Seki Zekina Zambe atela kamwasi na mobali Oya kabo ni gobote mape mabanzo Gui Noël Mokili atike la masse yo e Gui Noël Ngoya Comme un consolateur Pe bonheur Lumière à mon thème nanga espoir nanga ye C'est la raison nanga de vivre Isaïe Manda chante O Kamela et Kouma Et à bouté à moi Kaka Gino Rewel A mon aïe comme un souffle A vie nanga yo Ozali sa maka na tika na yangwe Talatina zua ele kinga makasio Pa mona ka kolo kuna na zateo Pona Gino Rewel Andi mi baloko Na sengi la pe, na sengi bolingo Na boi doublure Monte mananga fragile Oh, na sengi la pe bandeko Na boi baka Po amour na yo bile inanga Nana Vanessa Olivier Sono Hey, ya boutre ya moi kaka di Noël Amour na yo e koma souffle ya vinanga Osa seli somoko na tikala na yangoe Talantina zuwa nangele ki makasi Pamona nga kolo kuna nazate Pona gina wel na kondi mananga prison Na sengi ilape na boyi bagueur Na boyi souci mote mananga fragile Na sengi ilape na boyi bagueur Na boyi souci amour na yobile inangai Difficile la vie à moto Pierre Binda Boko le kisa tango pamba c'est pas la peine L'amour na biso et koma na esprit Yanga na ye utakala e komama Na livre d'or ya zambi Boma na yonga na siko boyanga teo Na koko kate komo na yona mbanda Vaxe d'amour na yo Opikanga na zoto E komisanga kise yo Boma na yonga Kasi kopo ya ngateo Na koko kate komo na yo na mbanda ye Vaxe d'amour na yo Opikanga na zoto E komisanga kise yo Nzama sali ba fer apesi ango ba couleur Car si harmonie a ce monde couplé na biso Moko la résurrection Ce qui nous a mis à tout ni maïle au lobby ni ni Kaka l'ingo ya ki noël Lambio lambio Doka dobe Oko oka Ah ouais Président Chabani Record Simo Lungalala Médard Melandou A Chico Molele A Dishi Mongope Doso Campo Bianco Papito Lassa, Ferrisman, Eric Mokendi, Aigle Royal, Jidem, Toku Tanabiso Basso, Ombo Kaseka. Awa! Oka Usa Pinzoli, Amiso Nanda, Olobaka Onakole, Ali Susute, Loko Lanzamba, Jiranka, Lobaka, Amo, Ali Susu, Mokinde, Ome Mangana, Moka, Kala, Doris Mia, le studio Sabab. Oka Usa Pinzoli a mis son nana. Olobaka na kole ali susute. Loko na nzamba jiraka lobaka e. Ako boma li susu mokinde. Ome manga na mboka kana e. Oka eza na mile lomboka plezi. Kino wengo ya. Bata Orion Oil, Jean-Dominique Okemba, le très spécial, Anthony Tiongo, Mister Boulanga, Papa Najedit Nabrayan, Honorable Odette Mouyungoyi, Patrick Lorenzini, Armando Fouiti, Full Boss, Charlie Kadima, l'éléphant a pris les ailes, Carole Akito, la sonasse en marche, Odilon Swana, Jigal Mzaou na Kampala, Serge Makendo, hein? Maître Alou Onyoma, Yalbert Moleka, Elise Kumba Air France, Bin Salé. Y'a Jean-Claude Molimo, Abibo l'ambassadeur, Alain Olangi, Honorable Pius Mouabilou, Rasta Moukouti, Papi Tchemelas, Papi Boto Noble, Hippotons, Flo Vidado, Commanda Poupoué. Aimez le voix sur boutique sans taxe, Jean-Paul Galema, londonien. Amanda Sanga Sam, Jigal Kabeya, Honorable Julien Paluku, Kino Mboya. Kino Mboya.